Oh, mais mes amis, quelle honte! Hier soir, en rentrant, j'ai participé à des sélections pour un jeu de culture générale. C'est Zouzou qui m'avait inscrit pour pas être tout seul. Dès la première épreuve de sélection, hein, c'était tendu, hein, il y avait les quatre meilleurs. Deux venaient de réussir et restaient Zouzou et moi et un vieux con à la retraite. Les deux suivants qui répondaient juste étaient qualifiés. Question suivante. Qui est considéré comme pro du pot? Michou! Non, monsieur Zouzou. Chez Midache. Bonne réponse du vieux monsieur qui se qualifie pour la prochaine manche. Attention, le prochain qui répond sera le dernier qualifié. Quelle personnalité du showbiz est célèbre pour ses tenues bleues? Michou! Bonne réponse de monsieur Zouzou qui se qualifie pour l'épreuve suivante. Bah, le Zouzou, il est content comme le colibri qui a la gueule et qui va niquer tous les pigeons. Merci monsieur Zouzou de partager votre joie avec nous. Monsieur Helmut, pas trop déçu, j'espère? Va te faire mettre, tête de fion. Si jamais je te croise dans la rue, je te pisse dessus. Vous rendez compte, Christophe? Putain, éliminé dès la première épreuve. J'étais humilié. Il restait plus que Zouzou pour sauver l'honneur. Hey, c'est bien démerdé, le salaud. Il arrivait en finale contre le vieux. Vieux auprès de qui je me suis installé pour une légère séance de déstabilisation. Messieurs, c'est l'heure de la grande finale. Attention, c'est parti. Qui a dit « Je vous ai compris » Michou ! Mauvaise réponse, monsieur Zouzou. Une idée, le vieux monsieur ? Si jamais tu réponds, je t'arrache la sonde, la momie. Enfin, arrêtez de me menacer. Qu'est-ce qui se passe ici ? Monsieur le nazi en barésie qui menace de m'arracher ma sonde si je réponds. Je suis sûr qu'il est de mèche avec le finaliste homosexuel. Quoi ? Mais jamais de la vie ! Si jamais j'entends quoi que ce soit, monsieur Helmut, je vous fais évacuer. Poursuivons. Quel empereur ? Michou ! Mauvaise réponse. Monsieur le vieux, je finis la question et c'est à vous. Ah bah d'accord. Si tu gagnes, je te coupe les deux jambes. Cette fois, j'ai entendu. Sécurité, emmenez l'individu en barésie. Si vous touchez à moi, Helmut, je vous donne à tous le syphilis. Allez, emmenez-moi tout le monde, même le vieux. On arrête le jeu. Inutile de vous préciser, mon petit Christophe, que ça s'est terminé dans le plus grand bordel, tout ça. Hein. Et avec le Zouzou, histoire de se calmer, une fois dehors, on a pété la gueule au vieux. Malgré tout ça, ça m'a bien plu de participer à ce machin. Je crois que je vais m'inscrire à d'autres jeux, moi. Allez, au revoir, Zen.